21e chapitre, l'aveu. Alors Dugranek, après avoir accompagné son père jusqu'à sa chambre, comme il le faisait chaque soir, lui demanda s'il pouvait lui accorder un moment d'entretien. « Bien volontiers, mon fils, » lui répondit le vieillard. Après cette réponse, le comte l'invita à parler sans crainte. « Je ne sais, mon père, » dit Dugranek avec émotion, « si vous avez remarqué l'affection que, depuis mon enfance, j'ai toujours portée à mademoiselle de Loquevel. Eh bien, cet attachement n'a fait que croître de jour en jour. Jamais je n'ai pu oublier ces instants où ma vie s'écoulait si heureuse près d'elle. Aujourd'hui, je songe à voir se réaliser les rêves que tout enfant je formais pour mon bonheur à venir. Clara a toujours été la femme que j'ai le plus aimée au monde, parce que chez elle j'ai trouvé réunies toutes les qualités de l'esprit et du cœur. Je crois donc être arrivé au moment où il faut que je sois fixé sur le sort qui m'est réservé, car je le sens, il me serait impossible de différer plus longtemps. En un mot, mon père, je vous prie de vouloir bien, demain, demander pour moi la main de mademoiselle de Loquevel au baron. Déjà plusieurs fois à cet effet, j'avais formé le dessein de me rendre à Beaumanoir, mais j'en ai été empêché par les événements. Maintenant, grâce à Dieu, la Cornouaille peut espérer des jours tranquilles. Il ne fallait pour changer la face des affaires en Bretagne que la présence du Béarnais. « Que n'est-il venu plus tôt ? » s'écria le comte. « Il n'y aurait peut-être pas eu de la Fontenelle, et j'aurais encore mon beau château Dugranek. » En prononçant ces mots, Pratmaria se leva de son siège, en proie à la plus vive agitation. « Oui, » reprit-il, « si le roi était venu parmi nous, et s'il n'eût pas été arrêté par les nombreux ennemis qu'il lui a fallu combattre, Mercœur eût été bientôt puni et châtié, et jamais la Fontenelle n'aurait eu le temps ni la pensée de se fortifier dans l'île Tristan. Laissons toutes ces pénibles réflexions, mon père. Elles sont maintenant inutiles. Réjouissons-nous plutôt de ce qui est arrivé, et espérons que le temps tempérera l'amertume des souvenirs du baron. Et nous tâchons par nos soins et par notre amitié de ramener la sérénité dans son âme. Actuellement, laisse-moi te remercier, ajouta le comte avec bonté, de la confidence que tu viens de me faire, et sois certain que je remplirai ta commission avec le plus grand plaisir. Sache-le bien, mon fils, je suis fier d'être ton père, car ta vie a toujours été pure et loyale. Jamais, en aucune circonstance, je n'ai eu à rougir de t'avoir donné mon nom, et tu as été pour moi un fils bon et dévoué. Aussi t'ai-je traité comme le meilleur de mes amis, n'ayant pour toi ni froideur ni sévérité. Ton bonheur ne peut être douteux. Les vœux que forme ton cœur seront comblés, et Clara, joyeuse de s'unir à notre famille, acceptera ta main. D'ailleurs, n'est-elle pas ton amie d'enfance? Et puis, le rôle glorieux que tu as joué dans les guerres de la Ligue, n'est-il pas aussi un titre qui te donne le droit d'aspirer à cette union? Assez, mon père, interrompit Dugranek en souriant. Bien certainement, si vous continuiez ainsi, vous iriez jusqu'à vouloir me faire passer pour un héros. Tu as raison, mon fils. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de rehausser les belles actions que nous avons pu faire. Laissons aux autres le soin d'en parler et de les apprécier. Mais, quoi qu'il en soit, je le sens, ma vieillesse s'écoulera douce et tranquille, car ton courage, tes vertus et les égards dont tu m'environnes chaque jour me feront oublier les cruels chagrins que j'ai eus à souffrir pendant ma longue carrière. » En disant ces mots, Pratmaria serra affectueusement son fils sur son cœur et l'assura de nouveau que le lendemain il irait trouver le baron de Beaumanoir. Dugranek se retira dans sa chambre, le cœur plein d'espoir et de douces émotions. Cependant, la joie de son âme était si profonde et son agitation si grande que cette nuit-là fut pour lui à peu près sans sommeil. Il ne pouvait s'empêcher de songer qu'il était sous le même toit que mademoiselle de Loquevel, et il se ressouvenait avec bonheur de cette soirée où il avait osé lui déclarer ses sentiments et où elle avait encouragé ses espérances pour l'avenir. Puis, tout à coup, comme s'il eût été sous le coup d'une hallucination, il écoutait, osant à peine respirer, et il lui semblait entendre la voix si douce de Clara retentir à ses oreilles. Presque aussitôt, riant lui-même de son illusion, il n'entendait plus rien, mais il se figurait voir sa bien-aimée assise près de son chevet, le contemplant avec amour. Alors Dugranek se berçait des songes les plus doux. Il entrevoyait devant lui une félicité que rien ne pouvait ternir, car il savait que son amante était bonne, charitable, vertueuse. Il demeura ainsi longtemps en proie à une foule de pensées tumultueuses, et ce ne fut qu'à l'approche du jour qu'il parvint à goûter un peu de repos.